qui ne va guère, j'ai un pied qui mue et l'autre qui ne va plus. Ah, dites-moi qui vous a donné ce beau bouquet que vous avez. C'est mon ami qui m'a donné ce beau bouquet que vous voyez. J'ai un pied qui mue et l'autre qui ne va guère, j'ai un pied qui mue et l'autre qui ne va plus. Ah, dites-moi qui vous a donné ces beaux souliers que vous avez. C'est mon ami qui les a donné ces beaux souliers que vous voyez. J'ai un pied qui mue et l'autre qui ne va guère, j'ai un pied qui mue et l'autre qui ne va plus. Ah, dites-moi qui vous a donné cette belle ceinture que vous avez. C'est mon ami qui m'a donné cette belle ceinture que vous voyez. J'ai un pied qui mue et l'autre qui ne va guère. J'ai un pied qui mue et l'autre qui ne va plus. Ah, dites-moi qui vous a donné ce beau chapeau que vous avez. C'est mon ami qui me l'a donné, ce beau chapeau que vous voyez.